aussi entre le cha-cha et la rumba. Donc... Thank you. s'accuse. Souvenir à beaucoup de monde, alors s'il y a des gens qui ont envie de venir chanter, qui n'osent pas parce qu'il y avait beaucoup de monde tout à l'heure, moi je dis ça, je dis rien. Tu chantes pas? Moi je chante pas. C'est super. of the sight of blood, the mystery of the fading light, the China blue caravan. Sleep upon my shadow hand.